غير طيب. المسجد لأنه بيئة ملائكة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان اللي فيه اللائحة الكريهة أن يأتي إلى المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. فكل رائحة كريهة يتأذى منها البشر المصلين يعني لا يجب على المسلم أن يؤذي إخوانه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبعد وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. حتى الملائكة ملائكة الرحمن العباد المكرمون اللي هم في بيت الله سبحانه عز وجل قال هم يتأذون مما يتأذى منه بني آدم. فلا شك أن الإنسان هو في بيت الله عز وجل وفي فمه لائحة الدخان أو شيء أو لائحة العرق إلى آخر تأذي الناس، فهذا الإنسان في إثم عظيم. بل ذهب ابن عبد البر وهو من كبار فقهاء المالكية من الأندلس قال وهو يعلق على هذا الحديث اللي هو عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل النار. قال في هذا الحديث من الفقه الشيء الكثير. شنو هو؟ قال أن الآكل الثوم أو صاحب الذائحة الكريهة يبعد عن المسجد ويخرج منه. وفيه من القياس أن كل ما يتأذى به جيران المسجد بأن يكون الإنسان صليق اللسان، حتى الإنسان مشرك فقط لسانه قطيع وهو يتعدى على الناس في المسجد، فقال يجب إخراجه على المسؤولين أن يخرجوه من المسجد. وكذلك قال حتى الإنسان إذا كانت فيه ريحة قبيحة لسوء صناعة أو عرق. ما معنى سوء صناعة؟ الإنسان لا يغسل أمور مرة فيها ريحة مشبيحة، ربما يدخن الله يعافي المدخنين وما يغسلش أمور مزيان. قال هذه علة أو أن تكون العلة لا تزال، لأن الإنسان مريض والمرض يبعد، فهذا الإنسان لا يجب عليه أن يأتي إلى بيت الله عز وجل. وبإجماع فقهاء أن هذه من الأسباب اللي تجيز الإنسان أن يصلي في البيت، واستدلوا عليها بما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يولدن ممرض على رأسه. يعني تحريم ومع أن الإنسان في المرض معدي أن يخالط إنسان صحيح. مشي خير مشي سور. Donc, à la suite de le sermon du vendredi dernier, on a parlé de la mosquée, la maison de Allah sacrée, et en tant que musulman, ça m'impose quoi? Nous avons dit la chose suivante, je la répète parce qu'elle est très importante, que toujours se mettre dans la tête que la mosquée, c'est la maison de Allah. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec la maison de Allah. Et l'endroit où tu peux gagner trop, tu peux perdre. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit alors que tu es chez toi, tu as juste l'intention de venir à la mosquée pour faire la prière, tu te purifies chez toi, tu es déjà dans la prière. Tu as les récompenses et comme si tu étais dans la prière. Et de là, on comprend que les afflictions pour les musulmans, on doit les faire chez lui, à la maison. Les ablutions à la mosquée, c'est une nécessité. C'est quelqu'un qui a perdu les ablutions. Il te dit de venir en marchant à la mosquée. On ne court pas à la mosquée. Et je m'arrête sur marcher à la mosquée. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent du fait de marcher à la mosquée. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui marchent la nuit à la mosquée. Ils seront une lumière éclatante le jour. من توضع في بيته ثم غلى إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة الأخرى تحط خطيئة. Donc, marcher à la mosquée, chaque pas Allah t'élève de degré et te retire en l'air. Pourquoi? Parce que si on apprend, si on comprend ces hadiths et l'importance de marche à la mosquée, on va s'éviter et éviter à l'entrée à la mosquée beaucoup d'ennuis, y compris les stationnements sauvages. C'est vraiment hallucinant de voir un musulman qui vient et qui gare sa voiture n'importe où, devant n'importe quel garage. Il vient en courant pour moi parce que je ne veux pas rater la prière. Si juste à rien compris que la prière, que le fond et l'essence de la prière est adopté. Tu viens pour gagner quelque chose, mais tu ne sais pas que tu es déjà dans le camp des mouflissimes, des injustes. Donc, marcher à la mosquée, c'est déjà quelque chose de très important. Même si j'habite loin, eh bien, le mieux c'est de laisser ma voiture un peu loin de la mosquée et de faire ses pas à la mosquée. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous venez, même si la prière est commencée, ne cours jamais à la prière. Viens en marchant avec sérénité, parce que tu es déjà dans la prière. Il y a des gens qui comprennent de là déjà dans la prière, quand ils sortent de chez lui, quelqu'un qui lui parle, ils ne verront pas la prière, la parole. Ils ne parlent pas avec lui parce qu'il est dans la prière. Tu as les récompenses de quelqu'un qui est dans la prière. Mais tu peux parler, bien sûr. Tu peux parler, tu peux faire ce que tu as à faire, mais tu viens avec une certaine sérénité. Et d'abord, c'est ces hadiths que, une fois que tu es à la mosquée, tu marques une pause. Pour, même psychologiquement, tu mets la différence entre l'extérieur et l'intérieur de la mosquée. Tu rentres avec le pied droit, bismillah, salat, salat, salat, Allah, amfili, l'anmi, wa tzahdi, kakwa, wa rahmat, tu trouves au moins les portes de ta miséricorde. Et ça aussi, c'est un appel à tous les musulmans de faire de l'espace de la mosquée un espace de bonté et de miséricorde. Et de bons comportements. Aussi, ce verset que je viens de lire aujourd'hui, il nous parle aussi de quelque chose de très important, que la mosquée, c'est la maison de Allah. Et bien, il nous dit, quand vous venez à la maison de Allah, ne venez pas n'importe comment, habillez-vous bien, soyez élégants pour la prière. Dans tous les exégèses, à chaque prière, présentez-vous bien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez du parfum, mettez des... Soignez tout ce qui peut nuire aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, il a intérêt. Le premier sens en particulier, il te dit, même les anges, tu peux leur faire du mal. Ils souffrent des mauvaises odeurs. Ils disent dans le hadith authentique, chez Bukhari, le scrimgeur de l'Abdullah, c'est un exemple, celui qui mange de l'ail cru, ou des oignons crus qui ne viennent pas à la mosquée, qui prient chez lui. Ibn Abdelbar, l'un des grands fouqahs malikiens, il disait de ce hadith, il y a beaucoup de faits, beaucoup de choses à tirer de ce hadith. Que celui qui mange de l'ail, n'importe celui qui a dans sa bouche une mauvaise haleine, il n'a pas à venir à la mosquée. Et c'est une raison valable pour qu'il prie chez lui. Si cette personne, il est d'une chose, d'une raison, que c'est lui le fautif, c'est-à-dire se nettoie pas, se brosse pas les dents, il a une mauvaise odeur, il est empêché, il doit le faire. Mais si c'est une maladie contagieuse, il n'a pas le droit de venir à la mosquée, il n'a pas le droit de fréquenter la mosquée avec cette maladie qui peut faire du mal aux autres. Il sort ce hadith du prophète Sponsor dans le Bukhari muslim, où le prophète Sponsor l'interdit formellement à chaque personne malade de côtoyer et de fréquenter des gens qui sont sains et saufs. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, la mosquée, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la maison de Allah azza wa jalla, il n'y a pas que nous. Elle est pleine des anges. Et ces anges-là, le prophète Sponsor nous dit, tout ce qui nous fait du mal, leur fait du mal. Il dit aussi, Ibn Abdelbar, il n'y a pas que ça qu'on comprenne de ce hadith. Même une personne insolente à la mosquée qui agresse les gens, les responsables vont le faire sortir de la mosquée. Ça aussi, c'est une mauvaise odeur et tout ce qui peut nuire à la quiétude, à la tranquillité des gens dans la mosquée. Quel que soit le téléphone portable, qui sonne n'importe quand, n'importe comment, quel que soit, et malheureusement, il y a des gens maintenant tellement que c'est rentré, cette question de téléphone portable et Les smartphones dans les poches que quelqu'un peut trouver normal quand il sonne, il regarde son texto, puis après peut-être il répond alors qu'il est dans la prière. Et c'est juste du n'importe quoi. La prière, elle est à refaire. Et aussi, il y a des gens qui comprennent aussi mal la question des enfants à la mosquée. Les enfants à la mosquée qui sont de bas âge, un enfant, je le ramène à la mosquée, c'est ce qu'il est grand. C'est ce que je vais le responsabiliser pour le faire aimer la mosquée, ou bien pour une femme qui n'a pas trouvé de solution et n'a envie de venir prier à la mosquée, on ne l'arrive pas. Mais ce n'est pas ramener des enfants comme ils font qu'ils comprennent les gens, les ramener à la mosquée, les laisser courir dans tous les sens, déranger les gens. Il a dit oui, parce que le hadith, c'est que les enfants, ils étaient sur le dos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut arriver, mais c'est pas les gens, ils ramènent les enfants à la mosquée pour déranger la quiétude et la tranquillité des gens qui font la prière. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعظمون حرماته وبيوته آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته قرب الميامين إلى يوم الدين. أما بعد معشر الصالحين، يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال ابن عباس وكثير رضي الله عنهما وكثير من المفسرين هذا لا يختص فقط بالمساجد. قالوا حتى قالوا هذه هي بيوت المؤمنين، بيوت الصالحين. ونركز على شيء مهم أيها الإخوة، أن المسلم يتخذ في البيت بتاعه مسجد، وهذا شيء عظيم جدا. ومجرد بإذن الله، مش لا بد أن يكون بيت غير واحد القنص دائما صليتي أنت وليدتك. فمن أخطاء اللي كيعملوها المسلمين في البيوت، إذا كان اللي يسكن بعيد عن الجامع ولا المرأة في بلادها كيوصل واحد السطر وواحد يوصل واحد. وهذا مشكل يا أخي، كيف تحرم نفسك وليداتك 27 دولار؟ والله لو المسألة كانت مادية قدر لها 27 أورو ولا أورو، الناس كلها اجتهدت باش تجمع. فالإسلام أراد ولو في بيتك، كيف ما كتجمع مع وليداتك الفطور والغداء والعشاء، اجمعوا على طاعة الله. وكذلك من الفضائل والميزات بأنك تخصص مكان في بيتك للصلاة، أن هذا المكان ترتاده الملائكة. وأنا أقول لك جرب أيها المسلم، عمل مكان وتصلي فيه وملي تكون في حالة نفسية مش هي هذه، مشي لذاك المكان ستشعر بالراحة بإذن الله. هذه أمور يا إخواني نغفل عليها وهي من رحمة الدين. يا بني آدم فاذكروا أو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كذلك أيها الإخوة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرض كثيرا على المشي إلى المساجد، فهذا يا إخواني لو فقهنا هذا الأمر لما آذينا أنفسنا ولا آذينا بيوت الله عز وجل، نحفظ الطلب في أي مكان لغيره. وكذلك داخل قاعة المسجد أرادها الله للرحمة، فكل أمر يشوش على المسلمين ولو سمعت يا ولو بتلاوة القرآن، ولو بتلاوة القرآن، أنت تقرأ القرآن وتشوش على الناس، لأن عاش بصوتك وتشوش على الناس اللي يعني يريدون أن يذكرون الله إلى آخره، فهذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان معتكفا، الحديث عند البخاري ومسلم، فالصحابة كل واحد الدنيا الذي النظام يا إذا كنا مجموعين واحد يقرأ وحنا نسمعوه كيتكلم الله جميل، أما واحد يقرأ لا واحد يهز صوته. فالصحابة يقولوا هذا خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يرفعن أحدكم صوته على الآخر. وفي رواية أخرى: إنكم تدعون قريبا مجيب الدعاء. أن الله سبحانه وتعالى ويسمعه. فكل شيء يا إخواني في المسجد، سواء تليفون، هاتف، سواء رائحة غير طيبة، سواء كلام غير طيب، سواء أولاد كذلك الصغار، وهذا كذلك أمر بعض الناس يمشي فيه ما بين الطرفين. هنا الناس يفهموا بأن إذا تسقط صنع شيء في ذات العام قد تجيب الليلة في المسجد، وهذا شيء جميل جدا. ولكن الطفل المميز هو اللي تجيب المسجد، لأن وليدي هذا راه هذا ما شاء الله عنده 6 سنين ولا 7 سنين، ولكن عنده صديق لا يعرف بأن لي راه كان وجدوا في الدار، الدار عندنا مسجد، هذا المؤمن عندك بيت مسجد كتوجدوا في الدار، لأن غادي تجي ويقف أمامك ويكون يعني كالكبار. أما إذا كان غير مميز وتجيب وليد تاع عام من 90 قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويطلعوا فوق داره، تجيب انت تجيب ولادك وانا نجيب ولادنا صافي هي المسجد ولا شيء اخر. لا، المسجد يا اخواني هذه قاعده عامه، لا بد يبقى مكان للسكينه، مكان للرحمه، مكان واولادنا نجيبهم المميزين. اما الاحاديث هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وليداته يريدون المسجد لان كان بيته هو المسجد. فين تربوا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن والحسين كانوا مع جدو وجدو يسكن في المسجد، البيت ديالو بالصف مع المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء المرأة الطفل قال اني ادخل في الصلاه فاطولها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز رحمه منه. اللهم صل على محمد. هذا ممكن يقع، هذا صوت صوت، ولكن هذه ليست دعوه باش نجيب ولادنا، يعني الرضا الى قدره الله عز وجل. دونك مي شيخ خير مي شيخ سور، اون فيني باغ سي كالك كونسيي، مي لا ريغل جينيرال الي لا، لا ريغل جينيرال ان با بيغ في بيغ دو في. اي سي نورمالمون اون ميديت دون سيت فراز، جو لي دي جو لو ردي، سا نو سيفي دو لا كونفيونس، كو كون جو سوي ا لا موسكي، جو سوي دون لا ميزون دو الله سبحانه وتعالى. Le verset que j'ai cité, Ya bani Adam, ou Ya ayyuhal ladhina amanu, c'est le verset qui vous nous dit Adin Allah, donc ce verset qu'on a commandé le vendredi dernier. Il y en a des fassirines qui disent les mosquées, Ibn Abbas, ils ont écrit, c'est pas que les mosquées, c'est vous nous, c'est aussi ces maisons où Allah il a fait les éloges, c'est les maisons des croyants. C'est les maisons des croyants où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est très important, si tu habites, si tu ne peux pas faire les 5 prières à la mosquée, tu habites loin, où c'est important pour la femme à la maison, quand il vient l'heure de la prière, que les musulmans se réunissent dans la maison, que tu réunis ta femme, tes enfants pour prier ensemble, pas chacun prie tout seul. Et aussi c'est très important qu'au sein de ta maison, que tu réserves un petit espace mosquée chez toi. Et cet espace, à chaque fois que tu pries, et ben c'est juste, il sera plein des anges, plein de rahmah, plein de... Et essayez ça, et vous allez voir, même quand tu ne seras pas bien, va dans cet endroit, tu vas trouver de la quiétude, tu vas trouver de la baraka dans cet endroit. Ne vous privez pas de ça. Et à l'intérieur de la mosquée, donc tout ce qui nuit à la quiétude des musulmans, et bien c'est quelque chose qui est interdit. Et je finis par quelque chose très important, que la mosquée, dans l'islam, il n'est pas que pour la prière. La mosquée, il a beaucoup de rôle. La mosquée, c'est l'endroit où on apprend notre religion. C'est l'endroit où nos enfants apprennent la langue arabe. C'est l'endroit où nos enfants apprennent leur identité, apprennent leur religion. C'est tout ça, la mosquée. Il y a des gens, des fois, qui comprennent. Et l'endroit aussi, quand il y a une mosquée comme la nôtre, où il se situe dans un centre culturel, c'est normal, c'est ce qu'ils ne comprennent pas des gens, c'est normal que la mosquée a un rôle citoyen, un rôle plus que le rôle strictement, on va dire, spirituel. Et c'était ainsi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui se souviennent comment il y a des grands musulmans qui rentrent dans la mosquée. Mais la question est, c'est quoi qui a interdit à nos musulmans de rentrer dans la mosquée, sinon l'ignorance de beaucoup de musulmans? Mais vous vous posez la question à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la mosquée était spéciale uniquement que pour les musulmans? La réponse que non. Et on a beaucoup de hadiths, le Bukhari, le Muslim et autres. On a le hadith de Uthman ibn Abi al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu chez lui une délégation de Ahl al-Ta'if. Ils étaient des mouchriquins, ils les ont reçus à la mosquée. Ils sont restés à la mosquée, ils n'étaient pas encore musulmans, des jours et des jours. Et aussi, il y a cette belle histoire de ce compagnon, radiallahu anhu, mais qui était l'un des plus féroces ennemis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'appelait Thumama ibn Athal. Thumama ibn Athal, un jour, c'était le chef de Banu Hanifa, l'un des leaders de Banu Hanifa, c'était une tribu qui déclarait qu'il y avait beaucoup d'animosité avec les musulmans. Et un jour, il est tombé prisonnier aux mains des musulmans. Vous savez, le professeur, ce qu'il a pensé à faire quoi? Eh bien, il allait laisser sa prison, c'était la mosquée. Et à votre avis, pourquoi la mosquée? Parce qu'il voulait que cet homme voit c'est quoi la mosquée? Comment ils prient les musulmans? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette mosquée? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'apaisement. C'est ce que beaucoup de nos voisins ne savent pas, ce qu'il y a à l'intérieur des mosquées. On s'enferme, ils voient des gens qui rentrent, qui sortent, ça leur rappelle, ça les renvoie des images du journal du 20h ou autre. Et les musulmans se subitent dans l'apaisement. Vous savez, c'est une belle histoire qui est dans ce hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. On lui ramène, on le traite bien. Et le matin, lui dit, comment ça va? Comment ça va, Yadou Mama? Il lui dit, qu'est-ce que t'as, Yadou Mama? Qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit, j'ai que du bien pour toi. Parce que si tu me tues, t'as tout à fait raison. J'ai tué de vous, etc. Tu n'auras pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et si tu pardonnes, je suis reconnaissant. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Et si tu veux la rançon, eh bien je paye ma liberté. Le professeur ne répond pas. C'est pas ce qui intéresse. C'est pas ni de le tuer, ni son argent, ni rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahman al-alamin, il voulait que cette personne rentre au paradis. La logique de cet homme, c'est pas la logique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il revient le lendemain, Yadou Mama. T'arrives ici, Yadou Mama, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Il lui répond la même chose. Troisième jour, il répond la même chose. Si tu me tues, etc., il lui donne les trois autres. Le prophète s'en s'est dit, honorez cet homme, libérez-le, laissez-le rentrer chez lui. Il est rentré chez lui, mais il n'est pas rentré chez lui. Il est parti juste quelques pas de la mosquée et il est revenu. Il a dit à Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il a dit, maman, pourquoi tu ne l'as pas dit quand tu étais chez nous? Quand tu étais ici, il a dit, non, je ne dirai jamais comme ça. Je ne suis pas lâche. Qu'on ne me dit pas que je suis rentré à l'islam parce que j'avais peur. Mais quand j'avais ma propre liberté, eh ben j'ai choisi de mon cœur de rentrer dans cette religion. Et il est parti très loin. Beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam et ne comprennent pas l'islam au début, ils sont dans l'extrême. Il a dit à Rasulallah, mon peuple, ma tribu qui te déclare la guerre, à partir d'aujourd'hui, je le prive de tout, sauf s'il devient musulman. Il a dit non. Au contraire, traite bien ta famille et traite bien ta tribu. Ce hadith nous montre que cet homme-là, s'il ne comprenait comme beaucoup de musulmans que la mosquée, elle est que pour les musulmans, ils sont entre eux, ils discutent entre eux, ils prient entre eux, serait quoi son sort? Les histoires, le problème, c'est en ignorance. Wafadunajran, c'était des chrétiens. Le prophète s'est dit des jours, il les a reçus à la mosquée. Il débattait avec eux sur la divinité de Jésus à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا من الله وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما. اللهم حبب إلينا بيوتك، اللهم ارزق لنا في قلوبنا حرمة بيوتك، اللهم اجعلنا حرمة في قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يعظمها ويعظم شعائرك يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الإفلاس، اللهم إنا نعوذ بك بأن تكون بيوت الله في قلوبنا كغيرها يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الغفلة إلى نور اليقظة والهداية يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد سالما ومن كل شر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، والحمد لله رب العالمين.